besten, die Musik-Equipe, der Champion, die Meister, die Besten, die Musik-Equipe, der Champion. Galère 88.4. Du documentaire, c'est-à-dire pour vraiment pour pénétrer dans un stade de foot, les filles font tout pour y être vrai. D'ailleurs, la fille. Il n'y a que des filles dans le stade, donc les hommes ne peuvent pas rentrer. Quoi. Voilà. L'entraîneur ou celui qui organise, le président du club, enfin on ne sait pas trop qui c'est, il ne peut pas rentrer. Donc et c'est assez rigolo parce qu'il demande au gardien s'il peut rentrer. Le gardien, donc comme tout bon tyrannien demande à son supérieur, qui lui dit mais non il peut pas quoi. Et ça redescend, il peut pas. Il dit mais je suis shit comme vous quoi. C'est genre peut-être qu'il pourra grâce à ça y arriver, mais ça marche pas. Hein. Non, le shit est coriace. Azadi sur la liberté, bon on sent qu'elles attendent que ça quoi en fait. Là elles se lâchent quoi, elles sont entre elles, elles ont ce pouvoir de. Elles sont 300 ou 400. Mais ça bon en fait quand on connaît un peu les Iraniens et les Iraniennes, c'est normal quoi. Pas de. Là, c'est un événement qui permet d'exprimer ce qu'on pense, quoi. Il ne faut pas considérer que c'est des gens qui ont... شبات روزی گلستان تم مخور این دل غم دیده حالش به شود دل بر نکن این سر شوریده باز آید به سارم غم مخور Eh bien, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Galère pour Débattons d'Anguirou. Vous venez d'entendre à l'instant un morceau de musique iranienne qui, bien sûr, mon cher Brett, introduit parfaitement notre émission et le thème de ce soir. Et on a entendu précédemment Laurent Vincenti, notre invité de ce soir. Tout à fait, mon cher Manuel. On a entendu Laurent Vincenti. Et après cela, une musique de Mohammad Reza Chajarian. À Fès, dont je pense Laurent Vincenti pourra nous parler. Donc un petit mot rapide sur le pourquoi de cette émission, Manuel. Bien sûr, nous avons décidé d'inviter Laurent Vincenti, un grand voyageur et spécialement amoureux de l'Iran, et donc de consacrer cette émission à l'Iran et cela au travers de trois thèmes principaux. En fait, il y a quelques mois, nous avions fait une émission sur le foot au féminin, dans laquelle il était prévu d'aborder le thème de l'Iran via une interview de Laurent, dont on a diffusé un petit extrait. Et c'est ça qui nous a un petit peu donné l'idée de poursuivre sur cette thématique dont vous allez nous parler, mon cher Brett. Tout à fait, Manuel. Donc, à l'époque de cette émission foot féminin, nous avions un documentaire qui s'appelait Foot sous surveillance et nous avions interrogé Laurent Vincenti là-dessus. Donc je rappelle brièvement ce qu'est Foot sous surveillance. C'est un documentaire sorti en 2008 réalisé par David Asman et Hayat Najafi qui compte l'histoire d'une équipe de football féminin amateur de Berlin-Kreuzberg qui tente d'organiser un match contre l'équipe nationale féminine iranienne à Téhéran en 2006. Donc le match nécessitera un an de préparation, se fera Et il y aurait dû avoir un match retour qui sera annulé l'année suivante par les autorités iraniennes. Donc l'émission de ce soir va se découper en trois parties, qui sont une première partie sur les femmes, une deuxième sur le cinéma et une troisième sur une ouverture plus générale sur la politique. Et cette émission sera jalonnée d'extraits d'entretien, cher Manuel. Oui, tout à fait, puisque nous aurions dû avoir un second invité ce soir pour un petit peu seconder notre cher Laurent Vincenti, en la personne de Christian Bromberger, mais Christian n'a pas pu être là avec nous. Alors on est allé, enfin vous êtes allé, Brett, avec le docteur et le shérif, dans cette bonne ville d'Aix-en-Provence pour interroger l'ami Christian. Et donc alors je précise à nos auditeurs que je viens de parler d'Aix-en-Provence, mais on a le droit, ça. Voilà. Mais si. Ça mérite peut-être un carton. Parce que je vois le duplex Magic qui s'agite. C'est peut-être à cause du match qu'il est en train de commenter, mais en tout cas ça pour l'instant. Oui, un carton jaune peut-être, mais je crois qu'on a le droit. Donc voilà, Christian Bromberger, vous nous le présenterez un peu plus tard, mon cher Brett. Tout d'abord, on va dire bonjour à l'équipe. Bien sûr, bonjour Laurent Vincenti, merci d'être venu sur le plateau. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc sur le plateau, nous aurons bien sûr avec nous le docteur Lehmann. Bonsoir docteur. À tous. En forme, docteur. En grande forme. Là. Ça sent, ça trépigne. Et en direct donc du stade de White Hart Lane, si je ne me trompe pas dans la prononciation, pour suivre un très beau match qui oppose en ce moment Tottenham et West Ham. Un derby londonien. Un derby londonien, tout à fait. On se posait la question maintenant, on en est sûr. On retrouve évidemment le shérif, accompagné de son fidèle Magic. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Magic. Oui, bonsoir mon cher Manu Amor, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous nos auditeurs. Bienvenue ce soir, nous sommes à Londres mais dans un stade que nous n'avons encore pas connu ici dans l'équipe. Moi je l'ai connu il y a à peu près 10-15 ans. Écoutez, c'est un superbe stade, il a pas changé. Donc nous sommes au stade de Upton Park de West Ham où ce soir donc les jambons de West Ham reçoivent l'équipe en forme du moment, Tottenham. Tottenham qui est quatrième et en cas de victoire ce soir passerait dans le trio de tête, passerait troisième devant Chelsea. Et pour West Ham, la victoire ce soir leur permettrait simplement de retrouver le premier tableau dans les 10 premières places. Voilà, alors pour l'instant, nous jouons donc la 40e minute de jeu. C'est très alerte comme jeu, c'est très vif, ça va très vite. Et on est à un partout, à un but de Gareth Bale, l'inévitable en ce moment, du côté de Tottenham. Et j'ai oublié le second. Mais voilà, pour l'instant, un but partout dans ce match. Merci Magic. Magic et Shérif, j'ai une petite question à vous poser. J'imagine que vous étiez en loge hier soir au Parc des Princes avec Pierre Ménès pour suivre le Classico. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui a emporté ce match ? Alors, je n'étais pas en loge avec Pierre Ménès, puisque je crois que Pierre Ménès était dans les studios de Canal+, il me semble. Vous m'entendez ? Oui, tout bien sûr, fait, Shérif. Non, en revanche, j'étais avec Rachida Dati et on s'est vraiment poilé. Hein, de lapsus en veux-tu, en voilà, c'était vraiment bien. Non, quel match ? J'ai pas fait attention. Enfin, j'ai bien mangé, bien bu, mais j'ai pas fait attention. C'était qui contre qui ? On en reparlera, cher Shérif, quand vous aurez un petit peu travailler vos fiches avant de venir à l'émission. Vous savez, cher shérif, c'est que c'est extrêmement risqué de fréquenter Rachida Dati de près en ce moment. J'ai remarqué, mais enfin bon, figurez-vous que j'étais aussi avec Madame Carlotti qui est non plus, elle aussi, vraiment une sacrée boute en train. Donc non, ça va politiquement, il ne s'est rien passé de grave, mais bon, on en parlera. Mais dites-moi, si j'ai pas fait attention au match, mais si, les deux équipes, j'aurais bien voulu savoir quelles... Je vous posais la question justement pour en savoir un petit peu plus. Je suis désolé, je crois pas que c'était le FC Nantes. On en reparlera avec Magic un petit chose. Peu plus tard. Oui, cher Manu Amor, le sibyllin. Alors, Brett, on va commencer peut-être un petit peu à parler avec notre invité. Tout à fait, Laurent. Donc, Laurent, vous étiez, je pense, en Iran il y a peu. Oui, tout à fait, il y a 3 semaines à peu près. Vous êtes resté une dizaine de jours, c'est ça ? Oui, une dizaine de jours. Oui. D'accord. Et quel a été votre parcours cette fois-ci ? Alors, j'avais décidé de refaire le même parcours que mon premier voyage il y a 13 ans. Donc, j'ai atterri à Téhéran. Je suis resté 2 jours à Téhéran. J'ai filé sur Ispahan. Et après, j'ai continué au sud vers Shiraz. et je suis remonté pour terminer vers Téhéran. J'ai fait la même chose qu'il y a 13 ans. Voilà. Un petit coup de jeunesse, quoi. Peut-être. Alors, on vous a entendu dans l'extrait qu'on a diffusé au tout début parler d'un film que vous avez vu qui s'appelle Football sous surveillance. Sous surveillance, oui. Qu'est-ce que vous pourriez un peu développer à propos de ce film et que vous aviez déjà un petit peu abordé quand on avait fait cet entretien avec vous il y a quelques mois? On avait fait un entretien il y a quelques mois de ça. Il va repasser, je pense. Alors moi, j'étais pas très surpris de ce reportage. Pour moi, voir des filles qui criaient liberté dans un stade, c'est presque des filles iraniennes qui criaient liberté dans un stade, c'est pour moi, c'est naturel. Peut-être pour un spectateur qui n'a pas l'habitude de ce pays, il peut être surpris de ça. Moi, je trouve ça absolument normal. Moi qui connais bien l'Iran, je retrouve là ce que je vois quand j'y voyage, quoi. Voilà, j'ai appris plusieurs anecdotes. Bon, enfin, on en a parlé dans le reportage qui va suivre peut-être. Enfin, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, d'autres reportages vont suivre. Mais oui, donc ça levait des questions, notamment sur le hijab, sur l'accès au stade des femmes et tout. Et je propose que du coup, sur ce thème-là, on lance un premier sujet, Manuel. Tout à fait. On va, je crois, écouter un premier extrait, il me semble, non? Oui, tout à fait. Donc, extrait de cet long entretien avec donc, Christian Bamberger, Azita et Arash, bien sûr, qui nous ont reçus ce week-end. Vous nous les présentez brièvement? Je vais les présenter juste comme ça, Azita et Arash, je crois que c'était leur souhait. Et les deux sont iraniens, vivent en France depuis cette année, pour Azita depuis, je pense, à peu près 2004, avec quelques allers-retours, mais définitivement depuis 2008. Et je propose qu'on écoute le premier sujet et on discute après. Tout à fait. Alors, il y a néanmoins des équipes de football féminines, et il y a une équipe nationale depuis 2005. Mais alors qu'il y a des difficultés considérables, parce qu'il y a ce problème précisément du hijab, du voile. Alors, on est passé là partout par des scénarios assez extraordinaires, où d'abord la FIFA, donc la Fédération Internationale de Football, a dit non. Donc, c'était les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour, c'était... il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement quand. Donc là, il y a eu une opposition. Après, il y a eu des discussions entre M. Kafachian, oui. Et donc, on avait vu ce M. Kafachian. Oui. On était même allé au centre d'entraînement de l'équipe nationale. Oui, oui. Et donc, on avait parlé aussi de ce problème de hijab. Alors, donc d'abord, la FIFA, vous savez, ne veut pas qu'il y ait de signes extérieurs politique ou religieux sur les maillots, etc. Bon, c'est un peu une règle générale en matière sportive. Et donc, il y a d'abord eu un refus de la FIFA. Après quoi, il y a eu... Le Qatar. Non. Avant le Qatar, il y a eu une acceptation qu'elle porte une sorte de bandana, mais ça ne devait pas cacher les oreilles et la nuque. Manque de chance, néanmoins, le bonnet qu'elle portait lors des quelques matchs qu'elles ont disputés couvrait les oreilles et la nuque. À partir de ce moment-là, la FIFA a dit non pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et puis, après, donc elles n'ont pas pu disputer le match de qualification à Amman en Jordanie en 2011 et donc n'ont pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques. Après quoi, il y a eu un revirement de la FIFA, et notamment de M. Blatter, le président de la FIFA, et à partir de là, il a dit, ben oui, pourquoi pas. Et donc, il a fallu ensuite, vous savez, le football a un organisme central qui est l'International Board, et l'International Board, en juillet 2012, a dit, ben oui, pourquoi pas, on va suivre ce que nous a indiqué M. Blatter. Alors donc, désormais, l'équipe nationale iranienne pourrait jouer à l'extérieur, ou à l'intérieur d'ailleurs, avec un hijab. Alors évidemment, ça pose une question, parce que, bon, soit on se dit, bah, dans le sport, il n'y a pas de signe distinctif, et donc pourquoi accepter ça, alors que quand Tommy Smith levait le poing au Jeux de Mexico, il s'est fait exclure à jamais des compétitions, pourquoi on a refusé, et là, maintenant, on accepte au contraire un signe. C'est bon. Pas à cause de Qatar, justement, qui voulait si, que ses filles soient... C'est-à-dire que ces plateurs ne n'est pas tellement solidaire aux Iraniennes. Hein. Non, il est solidaire au Qatar, parce qu'en effet, oui, il doit y avoir le championnat de football au Qatar en 2022, si je ne me trompe, c'est ça. Et donc, il y a ces pressions qui sont venues à la fois des Émirats du Golfe, hyper libéraux sur le plan économique, hyper stricts sur le plan des mœurs, et en même temps aussi de la Jordanie. Je crois qu'il y a un vice-président de la FIFA qui est jordanien, donc tout ça c'est... Et à partir de là, donc, puisque le Qatar en même temps est un grand fournisseur de devises et pour la FIFA, et donc aide à l'organisation de tout ça, donc on a cédé... En effet, il y a cette qatarisation du football qui, à tous les points de vue, est quelque chose de tout à fait préoccupant. Alors, on vient d'entendre le premier extrait de l'entretien qui a été réalisé cette semaine avec Christian Bomberger et nos deux amis iraniens. Ce premier passage est assez intéressant, mon cher Brett, parce qu'il traite du hijab, donc le voile porté par les femmes iraniennes, et qui... En fait, cette équipe de foot féminine iranienne ne peut jouer sans le hijab, mais par contre, jusqu'à récemment, et c'est ça qu'on apprend, sans doute le saviez-vous, vous, Laurent Vincenti, jusqu'à récemment, l'équipe de foot iranienne ne pouvait pas jouer contre d'autres équipes internationales à cause de du port du hijab. Tout à fait. Et il explique que c'est sous, je crois, la pression du Qatar, que la FIFA a modifié ses normes. C'est ça, c'est ce qui se dit. Après, Laurent Vincenti, docteur, peut-être que vous avez des précisions. Mais oui, il y a eu au niveau de la FIFA, en tout cas, plusieurs positionnements. Et le dernier positionnement, sous la pression du Qatar. Voilà, toujours pareil, le Qatar, avec son argent qui modifie tout. Donc, pas de souci, quoi. On y arrive. Bomberger parle de qatarisation du football. Tout à fait. On en arrive même à organiser une Coupe du Monde en plein été au Qatar, donc le voile, c'est rien. Oui, ça renvoie au match de hier soir, dont on ignore les protagonistes. Mais on va peut-être même donner un palmarès à un club peu reluisant du centre de la France grâce au Qatar. Donc, bon, c'est possible. On peut être inquiet, je crois. Et en fait, d'ailleurs, c'est un détail, entre guillemets, qu'on observe vraiment bien dans ce film « Football sous haute surveillance », dont on a parlé au tout début, puisque je crois, sans avoir vu le film, mais en ayant vu quelques extraits, que l'équipe de foot allemande qui vient donc jouer est obligée, elle aussi, de porter le hijab. Tout à fait. De toute façon, football ou pas football, toutes les femmes en Iran doivent porter le voile, iranienne ou non, donc footballeuse aussi, quoi. Voilà, c'est le règlement. Est-ce qu'il y a une norme au niveau de ce voile, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le porte? Est-ce que c'est un voile, c'est pas un voile intégral, bien sûr. Pas du tout. Mais quelle est la règle? Il doit couvrir la tête, les oreilles, les cheveux. Voilà. Bon, il a tendance à diminuer de plus en plus avec l'époque, mais voilà, normalement, il doit couvrir les cheveux. Alors on nous fait signe en régie, Pat Le Guen et Gérard Van Der Gut, qu'il faut que vous parliez bien dans le micro, mon cher Laurent, pour que nos auditeurs vous entendent bien. Sinon, c'est la baguette, quoi. Brett, on va continuer avec cet entretien avec Christian Bomberger, avec un second extrait. Tout à fait, donc il s'appelle « Les Iraniennes au stade », on écoute. Alors le football, en plus, les femmes peuvent le voir à la télévision, puisqu'il y a des retransmissions de matchs internationaux ou bien des matchs en Angleterre ou en Italie. Et beaucoup de jeunes femmes, surtout des classes moyennes, aiment bien ça, parce que c'est une ouverture vers l'international, vers l'Occident, vers un autre monde. Et puis, interdiction d'aller au stade Azadi, qui est le grand stade de Téhéran, 100 000 personnes, hein, c'est vraiment un très très grand stade. Et donc, à partir de là, évidemment, protestation dans la mesure où il y a cette volonté, là, comme le disait Azita, depuis la Révolution, il y a eu quand même une évolution du statut des femmes, avec des femmes qui travaillent dans la fonction publique, avec 60% des étudiants qui sont des étudiantes, et donc avec d'ailleurs parfois aussi des femmes alors qui vont avoir le hijab noué plus que conformément, mais alors il faut rien leur dire hein, quand vous pénétrez dans un studio de télévision ou bien dans un cours d'université. Ah bon, vous voulez qu'on soit comme ça? On sera comme ça, mais attention, hein, maintenant, ça va être l'égalité, même plus que ça. Hein, donc il y a toute cette ambiguïté. Et puis alors la fermeture des stades pour les femmes, avec, alors il y a des députés du Parlement qui disent, mais vous comprenez, on ne peut pas laisser des femmes voir des hommes nus, alors on ne va pas laisser des femmes voir des joueurs, les jambes nues des joueurs, etc., sur un terrain, mais enfin, elles le voient à la télévision, donc ça paraît très paradoxal. Et donc, on est là devant quelque chose. Alors, il y a eu quelques petites tentatives, parce que, quand il y a des matchs internationaux, je me rappelle par exemple au début des années 2000, il y avait eu un match entre l'Irlande et l'Iran, à Téhéran. Des Irlandaises étaient venues. On les avait laissées assister au match, mais pas les Iraniennes. Alors évidemment, là, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Des Irlandaises, c'est mieux que des Iraniennes. Pourquoi? Alors il y a le côté séparation des espaces, et puis il y a aussi le côté les plus conservateurs craignent les slogans qu'il y a dans les stades. Chire samovar, tu kune davar. Par exemple, le robinet du samovar dans le cul de l'arbitre, évidemment, quand les supporters entonnent ça, c'est pas tout à fait rasmi, c'est pas dans la conformité. D'autant plus que le coup d'envoi, moi j'ai vu souvent des matchs où le coup d'envoi était donné par un mollah. Le robinet du samovar dans le cul de l'arbitre, c'est bien ça qu'on... C'est interdit d'entendre ça pour une femme, évidemment. Cet extrait, moi, je trouve vraiment très intéressant, d'autant plus qu'il nous permettra de rebondir tout à fait bien tout à l'heure sur le film Offside, dont on parlera dans la seconde partie de l'émission. Tout à fait, Manuel. Et moi, il me fait dire aussi que finalement, le foot pour les femmes en Iran est une... Comme il le dit lui-même, en fait, une fenêtre sur l'Occident, une fenêtre sur le... Mais c'est aussi un peu le témoin de ce que les femmes réussissent à faire un peu pour contourner en Iran le... Tout à fait. Oui. C'est un des moyens, c'est une arme pour elles pour arriver à... pour continuer la lutte pour, jusqu'à l'égalité, quoi. Bien sûr, elles se servent de ça, quoi. Elles ont bien compris l'intérêt de ce sport pour y arriver, quoi. Bien sûr, comme d'autres domaines, quoi. Tout ouais. à fait. Quoi. Et comme d'autres domaines, par exemple oh ben, d'autres sports. Enfin, ouais. elles font exactement ce que font les filles ici. Quoi. Alors, pour nous, elles conduisent des voitures, elles font des compétitions de stock-car, elles font du delta-plane, enfin des trucs. Parce que rien n'interdit, dans la loi islamique, à une femme de faire du deltaplane, quoi. Bon, ça doit bien emmerder un mollah, mais elles le font, quoi. Enfin, c'est des armes, tout ça, quoi. Peu à peu, elles grignotent, et c'est un combat qui dure depuis 34 ans maintenant, quoi. Voilà, à suivre. Depuis 34 ans, mais qui est déjà présent depuis un certain temps aussi, en réalité, puisque effectivement, la révolution islamique a remis en place au fur et à mesure finalement tous ces systèmes coercitifs à l'égard des femmes, mais dans la tradition iranienne, il y a une tradition quand même très paternaliste, pour être minimaliste, et patriarcale. Patriarcale. Tout à fait. C'est un peu l'histoire contemporaine iranienne, c'est-à-dire le Shah d'Iran a voulu moderniser le pays, donc vraiment une modernisation effrénée, enfin... une américanisation de la société, vraiment tout ce qui va avec. Et il y a eu toute la société à freiner, quoi, réellement, quoi, parce que ça allait trop vite, trop loin. Et donc, et là, maintenant, c'est le phénomène inverse. Donc, maintenant qu'ils ont une société traditionnelle depuis 34 ans, les femmes, comme l'ensemble de la société, veut sortir de ça et être dans le 21e siècle, quoi, et être moderne, quoi. C'est un peu l'histoire iranienne vraiment contemporaine, quoi. C'est ça va dans un sens, ça recule, ça avance dans l'autre, ça freine, c'est que ça, quoi. Voilà ce qui se passe en ce moment, quoi, réellement, quoi. Merci, Grand. Brett, on enchaîne encore avec un extrait de cet entretien de samedi, ou est-ce qu'on va au stade un petit peu ? On va faire un petit retour au stade, quand même, voir ce qui se trame auprès de Sheriff et de Magic. Après, j'aurais juste une ou deux questions sur la musique avant de lancer un nouveau morceau. Magic ? Oui ? Qu'est-ce qui passe ? Eh ben, qu'est-ce qui passe ? Vous dormez, Magic ? Pardon ? Vous dormez, Magic ? Ah non, pas du tout, pas du tout, c'est la pause. Ah. C'est la pause, figurez-vous, c'est la mi-temps. C'est le sandwich, le casse-croûte. J'ai failli vous couper tout à l'heure, il y a eu un coup franc de Gareth Bale qui a failli trouver la lucarne droite du gardien de West Ham. Alors je me suis dit là, tentons le coup, mais non, je vous ai laissé parler. Donc là, on est à la fin de la mi-temps, le match va pas tarder à reprendre d'ici 3-4 minutes je pense. Juste pour vous rappeler que c'est un superbe match là auquel on assiste ici ce soir. À Londres et voilà, donc le premier but a été marqué par Tottenham avec ce superbe tir de Gareth Bale à la 10e minute et qui a été suivi par une égalisation d'Andrew Carroll à la 25e minute sur penalty. Voilà, donc c'est très indécis, les deux équipes apparemment veulent la victoire. Les joueurs de West Ham jouent dans leur stade et ont envie de faire plaisir en tout cas à leur public, ça se voit, et voilà, on assiste à un superbe match. Et est-ce que le shérif va bien ? Vous m'entendez ? Bien sûr. Bien sûr, shérif. Écoutez, très clairement. Moi je viens de découvrir que Patrick Timsit était là, donc j'ai passé 5 minutes avec lui. Et, hyper sympa, il paraît. Hyper sympa, vraiment, drôle, c'est assez incroyable. Drôle. Et Victoria Abril aussi est là. Et on a évoqué hier soir, et il paraît qu'ils étaient aussi dans ce stade dans lequel nous étions, Magic et moi, mais ils ne se souviennent pas du match non plus. Enfin, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas, donc aucune idée des protagonistes. On va creuser la question. Nous qui comptions sur vous pour nous. Bah, désolé, je vais demander à Patrick au cas où, mais d'ailleurs, on le salue, Patrick. Ça, c'est très bien. On va enchaîner avec un petit morceau de musique, mon cher Brett. Oui, tout à fait. Mais alors, juste avant, je voulais juste poser une question à Laurent. On a écouté en tout début d'émission un morceau de Mohamed Reza Shajarian. Est-ce que vous pouvez dire juste deux mots sur ce Mohamed Reza Shajarian ? C'est peut-être le plus grand chanteur iranien vivant, quoi. C'est, en Iran, il y a Dieu, Mahomet et Shajarian, quoi. C'est vraiment, c'est the star, quoi. C'est le plus grand, quoi. Oui, oui, c'est la musique classique iranienne. De belles factures. Vraiment très, très, très, très grand, quoi. On fera peut-être gagner un disque à nos auditeurs en fin d'émission. Peut-être même votre disque, Laurent. Mais ça, c'était pas prévu au contrat. On en rediscutera. Hein. Donc là, nous allons écouter donc un musicien iranien qui fait plutôt de variété rock. Il s'appelle Kourosh Yarmaï. Et un morceau qui s'appelle Goliath. Est-ce que éventuellement vous pouvez dire deux mots sur Kourosh Yarmaï ? Tout à fait. Donc Kourosh Yarmaï, donc c'est l'époque pré-islamique. C'était à l'époque une rock star, hein, la première rock star iranienne, peut-être la dernière. Et donc qui après la révolution est tombé au chômage, donc forcément. Et donc a fait un peu de chansons pour les enfants. Et donc juste une petite anecdote concernant cette rock star, cette ancienne rock star. Donc il a jamais quitté l'Iran, il est resté en Iran. Contrairement à d'autres, il n'a pas voulu quitter son pays. Et il était invité, je crois, au Transmusical de Rennes en 2010 ou 2011. Pour faire donc un concert de rock pour la première fois depuis une trentaine d'années. Et au dernier moment, les autorités l'ont bloqué. Donc il continue avec sa musique pour enfants en Iran. Voilà. Et à l'époque, c'est une rock star. Et les gens, dans les boîtes de nuit à Téhéran, se déhanchaient allègrement sur ses chansons. Quoi. Voilà. Et là, on va écouter, je crois, son premier tube. C'est une de ses premières chansons, une chanson d'amour. Voilà, Goleyak. Allez, on y va. در میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمم بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمونه قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمونه سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمم بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه. Merveilleuse musique iranienne. Ah, belle chanson d'amour. Qui est parfaite pour passer à la seconde partie de notre émission. Nous avons voulu, Brett avec toute l'équipe, parler du foot et de l'Iran au travers du cinéma. Et du cinéma iranien, bien sûr. Tout à fait, on a voulu ouvrir une page cinéma et football, on ne l'avait pas fait depuis un petit moment. Depuis un petit bout de temps, oui. Et on peut quand même dire rapidement, on lira plus longuement tout à l'heure, que quand même le cinéma iranien, c'est quand même pas rien. Et c'est pas le docteur qui, même s'il a changé de place, victime de la mode. Et victime de la mode, comme chantait MC. Il ne dira pas le contraire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi j'ai beaucoup apprécié les deux films dont on va traiter maintenant, sur lesquels on a eu des remarquables retours de nos amis Aline et Pascal, que je vais vous laisser présenter. Tout à fait. Bah, je propose qu'on commence tout de suite, puisque finalement le premier film dont on va parler, Offside, de Jafar Panahi, fait parfaitement la transition avec le sujet précédent sur la question des femmes et du foot en Iran. Donc peut-être, cher Manuel, qu'on peut présenter un petit peu Jafar Panahi, rapido. Jafar Panahi, il est né le 11 juillet 1960. C'est un réalisateur iranien, parmi les plus influents, on va dire, du mouvement de la nouvelle vague iranienne. C'est la nouvelle vague. Pardon. Alors, il a d'abord été l'assistant de Kiarostami, le grand. Ils ont tous été l'assistant de Kiarostami. D'accord, c'est le papa, quoi. C'est Dieu. Et puis, il a réalisé, comme on va le voir, ses propres films, une quinzaine environ de courts et longs et moyens métrages. Il a reçu de nombreux prix internationaux et Offside, le film dont on parle ce soir, comme beaucoup de ses films, a été interdit de sortie en salle par le régime. Ce film dénonce la place réservée aux femmes dans les stades et, par extension, la place de la femme en Iran. On écoute donc la chronique d'Aline, qu'on remercie. On remercie bien Aline. Aline Dalbis, qui est elle-même réalisatrice de films documentaires. Tout à fait, qui travaille à l'Institut de l'Image à Aix-en-Provence. Une éminente spécialiste du cinéma. Je veux bien prendre mon carton jaune aussi pour cette fois, mais de toute façon, l'interdiction n'a pas encore été prononcée. N'a pas encore été actée, oui. On écoute. Jafar Panahi est une nouvelle fois dans la lucarne politique avec le film Hors-jeu réalisé en 2006. Monsieur Panahi n'en est déjà pas à son premier coup d'essai. Après avoir été assistant et élève de Kiarostami, il s'émancipe de l'influence du maître en s'attaquant beaucoup plus frontalement à l'organisation totalitaire de la société iranienne, avec par exemple le cercle sur la condition des femmes en Iran ou Sang et Or sur un livreur de pizza ancien vétéran de guerre. De films qui seront interdits de diffusion en Iran. Donc quand Panahi démarre son projet, autant vous dire qu'il est déjà bien dans le collimateur du ministère de la Culture et de l'Orientation Islamique. Ministère qui a mis au point un code de la censure pour le moins contraignant. La sympathie du spectateur ne doit jamais aller au pêcheur. Interdiction de filmer le moindre contact entre un homme et une femme. Ne pas utiliser de vêtements qui souligneraient le corps de la femme. Pas de gros plans sur les visages féminins. Et bien sûr, port du voile obligatoire en extérieur comme en intérieur. Alors, vous vous demandez certainement comment Panahi a pu déjouer la surveillance des censeurs. Eh bien, il a tout simplement feinté. Envoi d'un faux scénario, mention d'un autre réalisateur à sa place. L'équipe a ainsi pu obtenir l'autorisation d'aller tourner au stade de Téhéran pendant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2006, Iran-Bahreïn. Alors, de ce match, nous ne verrons rien. Pourtant, pas une minute du film ne s'écoule sans qu'on entende la clameur des 80 000 supporters. Et oui, ils sont là tout près. Du moins, c'est ce qu'arrive à nous faire croire Jafar Panahi. Car en réalité, et je suis désolée de vous l'apprendre, le tournage s'est déroulé sur 40 jours. Alors, en regardant le film, je n'ai pas pu m'empêcher de traquer les indices susceptibles de trahir la réalité du hors-champ et de chercher quelles étaient les séquences qui avaient pu être tournées pendant le match. Je les ai repérées. Mais je vous épargne la description des plans en question, des moments où le réel vient se frotter à la fiction, et Panahi a certainement dû composer avec les événements, notamment pour la fin du film, qui n'était pas encore écrite quand il a démarré le tournage, car elle dépendait du score de ce match. De là à affirmer que nous sommes dans un docu-fiction, comme j'ai pu le lire à droite à gauche, non, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour ce qui concerne l'essentiel de ce film, en revanche, nous sommes bel et bien dans de la fiction avec des dialogues écrits par M. Panahi en personne et joués par des acteurs non professionnels. Un huis clos à ciel ouvert qui oppose deux équipes, six jeunes femmes parquées dans un enclos à l'extérieur du stade, face à des militaires un peu benés et pas bien méchants et qui ne sont franchement pas enchantés de servir l'armée iranienne, qui aussi entre les discours conservateurs, l'obligation de faire respecter la loi et doute quant au bien fondé de ces diktats. Si le sujet est grave, la place réservée aux femmes en Iran, le ton est léger, voire cocasse. Panahi prend un malin plaisir à pointer les absurdités d'une interdiction sans fondement. Alors, pourquoi une femme n'a-t-elle pas le droit d'aller au stade avec les hommes, demande une des meneuses du groupe. L'officier lui explique que c'est parce qu'elle ne doit pas entendre le juron des hommes ou s'asseoir à côté d'un inconnu. Mais pourquoi ça, insiste la femme. L'officier, après une réflexion, lui rétorque. parce qu'une femme, c'est pas pareil qu'un homme. Et oui, logique. Donc ce film est toujours interdit en Iran. Jafar Panahi a été arrêté en 2009 alors qu'il tentait de tourner un documentaire sur les troubles qui ont suivi la réélection du président Ahmadinejad. Il a écopé d'une interdiction de tourner des films et de sortir du territoire iranien pendant 20 ans. Condamné à 6 ans de prison, il est aujourd'hui assigné à résidence. Son dernier film, tourné dans la totale clandestinité, a été primé au Festival de Berlin. Les autorités iraniennes ont fait savoir qu'elles avaient protesté auprès des organisateurs du festival, mais à ce jour, nous ne savons rien du sort qu'elles réservent à M. Panahi. Alors, on remercie encore Aline de ce superbe travail. On la remercie surtout parce qu'elle a visiblement dû se planquer à son boulot dans la soufflerie de l'Institut de l'Image pour faire son enregistrement. Donc, vraiment, chapeau. Brett, vous vouliez questionner notre invité à propos de ce film, peut-être. Bah, tout à fait. Je sais que vous l'avez vu, bien sûr, et que vous aimez Jafar Panahi. Et oui. Voilà. Éventuellement, si vous avez deux, trois trucs à dire sur le film. Sur le film, c'est... Alors, je suis désolé, mais ce n'est pas pour moi le meilleur film de Panahi. Donc, j'ai été peut-être moins sensible à ce film. Bon, le thème de l'émission, c'est foot et Iran. Donc, Panahi, il tombe bien. Est-ce qu'on peut parler du passager, donc je veux juste faire un petit parallèle avec le passager Kiarostami. Le film dont on va parler juste après donc, oui. Parce que je l'ai vu dernièrement en fait, et j'ai fait un très très beau parallèle en fait. Finalement, le passager, c'est l'impossibilité pour un petit enfant d'aller voir un match de foot, et 30 ans après, ou enfin 20 ans après on va dire, ouais, 20 ans après, c'est l'impossibilité pour une femme d'aller voir un match de foot, quoi. Et moi qui connais un peu l'Iran, c'est toujours des histoires impossibles, l'Iran, quoi. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est impossible. Un enfant ne peut pas aller voir un match de foot. Après, c'est une femme. Et j'ai fait ce parallèle-là, en fait. La difficulté, finalement, pour l'Iranien d'accéder à des choses mais toutes simples, quoi, toutes bêtes. Quel que soit le régime, d'ailleurs, il est confronté à ça, quoi. Donc, c'est presque... pas une malédiction, mais il est confronté tout le temps à un ordre qui l'empêche de faire quelque chose. Bah, vous disiez dans la fois où vous avez interviewé donc pour cette émission, où vous n'êtes pas apparu, que l'Iran était un pays où tout était possible et rien n'était possible. Enfin, rien n'était possible, donc tout était possible. C'est le sentiment que j'ai. Beaucoup de choses sont interdites. Et finalement, tellement de choses sont interdites, tout devient possible, quoi, puisque allons-y gaiement, quoi. Enfin... on a qu'une envie, c'est de faire ces choses-là. Donc, c'est peut-être plus facile en Iran qu'ici, quoi. Bon, c'est un peu dangereux ce que je dis, mais il y a un côté, comme ça, quoi. En tout cas, beaucoup de choses, et on le voit dans ce film, sont tentées. Jusqu'à se grimer pour pouvoir rentrer dans le stade. Mais tout à fait. Quand quelque chose est interdit, naturellement, les gens y vont. Donc, ce régime-là interdit tout, donc les gens vont vers tout. Alors, je dévie allègrement du sujet de l'émission, mais lors de mon premier voyage en Iran, j'étais rentré et j'avais dit à mes amis et mes connaissances que peut-être l'Iran était un des pays où il y avait le plus d'athées. Bon, je persiste et je signe. Voilà. C'est vous. Et alors, pour rebondir, je crois, sur ce sujet, justement, de ces femmes qui se déguisent en hommes pour pouvoir rentrer au stade, je crois qu'on avait un... pour rebondir et puis parler plus largement aussi des femmes et dans les stades en Iran, il y avait un extrait de cet entretien avec Christian Bomberger que vous souhaitiez passer, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, on ne va pas entendre Christian Bomberger, donc on va entendre seulement Azita, qui raconte ce qu'on vient de dire, mais de manière empirique. On écoute. C'était vraiment proche du documentaire, c'est-à-dire pour pénétrer dans un stade de foot, les filles font tout pour y être vrai. D'ailleurs, la fille de Nouchine, de ma copine qui aime bien le foot, elle s'est déguisée en garçon parce qu'elle a toujours les cheveux très courts et tout ça. Elle est allée voir un match de foot avec, par exemple, le mari de sa sœur. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pénètrent dans le stade sous de différents déguisements pour pouvoir voir leur sport préféré. Quand j'étais petite, j'avais 12-13 ans, je me souviens que Pelé était venu en Iran pour un match amical avec justement Boshka Esterlal. À l'époque, c'était Taj. Et moi, j'ai supplié mon père, franchement, pour m'amener parce que j'adorais le foot. Il fallait absolument que je voie Pelé. C'était le jour qu'il fallait voir. Alors, comme moi, je ressemblais au garçon, j'avais les cheveux courts, pantalons, tout ça. Bon, mon père m'a amené quand même, mais il est venu avec moi. Et juste avant ce match, c'était ce match amical entre le Brésil et l'équipe de foot, il y avait un match de football féminin. Alors là, toutes les plaisanteries salaces que les gens envoyaient à l'égard de ces filles qui couraient, tout ça. C'est-à-dire que même à l'époque du chat, c'était en 1970, 72, dans ces eaux-là. Même à cette époque-là, les gens n'étaient pas si ouverts que ça pour voir des filles en short jouer le football. Ah oui, tu le bouges bien, tu voyais ces trucs vraiment très grossiers que j'entendais. Alors maintenant, c'est pire encore. Et puis les familles doivent être vraiment, ou bien la fille doit vraiment insister, ou bien la femme pour persuader sa famille. Si c'est une famille traditionnelle, traditionnaliste, ça devient difficile, surtout en province. Alors on va enchaîner. Vous aviez juste avant parfaitement fait la transition, mon cher Laurent, avec le second film dont nous voulions parler. Et cette transition, c'était la difficulté, que ce soit pour des femmes ou pour un enfant, d'assister à un match de football en Iran. Oui, après, je m'élève, mais enfin, au-delà de ça, c'est-à-dire la difficulté finalement pour le peuple iranien d'accéder à la liberté. Donc voilà, un match de foot, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vraiment le drame de l'histoire contemporaine iranienne, quoi. L'Iran cherche le chemin, quoi. Et ce deuxième film, donc, c'est le passager d'Abbas Kiarostami, qui raconte brièvement, je crois, le parcours d'un jeune enfant de la campagne iranienne qui va aller jusqu'à Téhéran pour aller voir un grand match de foot. Oui, tout à fait. Donc juste pour rebondir sur le petit reportage que vient d'entendre, Azita disait que finalement, on peut même en parallèle avec Offside, que vraiment le régime iranien s'occupe extrêmement bien des femmes et les protège justement de toutes ces insultes qu'elles ne doivent pas entendre et tout ça. C'est très très bien. Ils prennent très très, très, très soin des femmes. On va peut-être présenter rapidement Kiarostami. Allez-y, Brett. Dire que c'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma iranien né le 22 juin 1940 à Téhéran. Depuis les années 70, Kiarostami a signé donc plus de 40 films, dont des courts-métrages, des documentaires et des films dramatiques. La critique l'a majoritairement loué pour des œuvres telles que Close Up et La vie continue, Le goût de la cerise et Le vent nous emportera. Il est lui aussi issu de la nouvelle vague iranienne et il est peut-être aujourd'hui le cinéaste iranien le plus connu de par le monde. Donc Le Passager peut être considéré comme son premier long métrage. C'est l'ami Pascalou nous a fait une chronique. Pascalou que vous connaissez très bien, mon cher docteur. Pascalou qui a comme premier mérite d'être Poitevin, hein, donc ça c'est non négligeable, hein, et je pense que c'est notamment pour ça qu'on l'a choisi ce soir. Mais c'est aussi que Pascalou est un réalisateur de cinéma en devenir. Il a notamment fait l'école de l'USAS. Et donc, il a choisi de nous présenter une très belle analyse filmique à sa sauce. On envoie donc Pascalou et on le remercie. Le passager, Abbas Kiarostami, 1974. Tir cadré. Rassan a 10 ans et comme tous les gamins de son âge, il aime le football, passionnément. Cancre admirable, il sèche les cours pour s'entraîner sur le goudron poussiéreux d'une ruelle de son village. Quand il ne tape pas dans un ballon, c'est dans le portefeuille de sa mère que le jeune homme exerce ses talents. Rassan est un petit escroc. Dissimulé derrière le boîtier d'un appareil photo vide, le jeune homme vend à des camarades trop crédules ces images qui n'impressionnent rien, aucune pellicule dans son magasin. Rassan ratisse large pour réunir les quelques monnaies utiles à son départ. Il rêve d'évasion, prendre la fuite, monter dans ce bus de nuit pour un aller simple vers Téhéran. L'équipe nationale y jouera bientôt et Rassan ne peut pas manquer cette occasion. Épuisé, en bout de course, il finit par s'écrouler devant l'arène à deux encablures du but, le rêve évanoui qui laisse Rassan en proie à de terribles cauchemars. Cinéaste du minimum, Kiarostami croit au plan, valeur unitaire de son art profond. Ici, le champ s'étire dans ses dimensions infinies, où la lumière blanche transperce un cadre noir, noir et sans fond, inutile sans la vie. C'est la réalité qui s'invite sur la surface de celluloïde. Le cinéma de Kiarostami n'est rien d'autre que la vie. Nul symbole, Nulles images, mais plutôt une image vraie, sortie tout droit du réel, qui imprime, et le soleil si puissant qu'on ne peut que croire à sa dure réalité et qu'on le suit dans sa course folle. On ne peut pas s'empêcher de penser à Rossi et à son voleur de bicyclette en 1948. Kiarostami s'impose avec ce premier long-métrage comme le digne héritier des néo-réalistes, mais la révolution de la petite reine a laissé sa place à celle d'un ballon rond. Dans une séquence d'ouverture exemplaire, les gamins jouent avec le plus simple matériel de football, deux cages et une balle. Le découpage est net, les plans isolés, nulle volonté de plaquer un univers artificiel. Ici, tout est déjà là, le monde préexiste et chaque chose est donnée pour ce qu'elle est, dans sa plus pure représentation. Dans la ruelle étroite, tout converge vers le cœur du cadre, seul espace qui compte et seule unité valable dans l'univers de Kiarostami, un but. Cadre de cinéma et cadre de football, plan et tir cadré. La réalité remplit l'image comme le ballon, le but. Et c'est dans cet espace arbitraire, défini par le sacro-saint rectangle, que la vraie rencontre de cinéma a lieu. Kiarostami lamine ses homologues occidentaux, Ken Loach et Eric Cantona, Zidane et Douglas Gordon, Kusturica et Maradona. C'est finalement la question du contre-champ qui consacre Kiarostami dans son art. La captation footballistique impose une interdiction formelle de monter l'angle opposé. La réalité qui s'inscrit doit rester frontale, au risque de perdre le sens. Traverser le terrain et s'égarer, oublier l'ordre, mélanger les équipes. Le jeu impose sa forme et le sens du jeu un axe unique. Hollywoodienne règle absolue des 180 degrés que Kiarostami fait exploser. L'espace de son cinéma est libre et le football affranchi de ses règles de bienséance. Rassane s'échappe et l'on l'accompagne, heureux durant 90 minutes d'être les passagers d'un cinéma retrouvé. Merci Pascalou, c'était vraiment fameux. Je crois que le shérif a apprécié depuis Londres cette superbe chronique. Superbe chronique pour un magnifique film, mon cher Brett. Film, hein. On est tous d'accord sur le plateau. Très ému par cette chronique. Sans vouloir ressembler au masque et à la plume. Ou ma masque et à la plus plume, on est tous très, très, très d'accord, même si c'est pas très français. Comment rebondir, Emmanuel? Laurent a déjà parlé du passager, on sait donc que vous avez beaucoup aimé. Ben, on peut, avant peut-être de parler de cinéma un tout petit peu plus largement, et peut-être le shérif pourra intervenir d'ailleurs à cette occasion, Pascalou en parle, on voit au début de ce film les enfants jouer dans la rue avec deux cages un peu sommaires, mais en tout cas qui symbolisent très bien les buts de foot. Ce qui se pratique dans le monde entier, le foot de rue, mais en Iran, on appelle ça, Brett, le golkouchik. Tout à fait, on appelle ça le golkouchik. Et donc, Arash, que nous avons interviewé en compagnie d'Azita et Christian Bomberger, nous a pas mal parlé du golkouchik sur la fin de l'entretien. Et je voulais demander au docteur s'il se souvenait un petit peu de ce qui avait été. Enfin, se souvenait. S'il pouvait rendre un petit peu ce qui avait été dit, même sommairement, sur le golkouchik. Bien sûr que je m'en souviens. Oui, Arash nous a parlé en fait de ce golkouchik qui n'est pas seulement un foot de rue comme on pourrait l'imaginer, mais qui reprend par exemple ces fameux buts en acier qu'on voit dans le film du passager, que en général les enfants des rues possèdent, et qui est finalement extrêmement normalisé. Donc on a des règles pour du foot à 2, à 3, à 4, éventuellement un foot où ça tourne, où le marqueur va au but, par exemple, après avoir marqué. Et donc c'est un petit peu la fierté aussi, le golkouchik des Iraniens, dans le sens où les Iraniens jouent beaucoup au futsal aussi. Et ce qu'on appelle les Brésiliens de l'Asie, finalement, s'entraînent dans les rues, et le golkouchik est un peu le symbole de tout cela. Vous avez vu, Laurent, vous, des parties de golkouchik à Téhéran ou ailleurs? J'ai vu des parties de golkouchik à Téhéran, donc tout à fait. Oui, oui, je confirme. Oui, oui. Et oui, ce qu'on peut dire aussi sur le golkouchik, si je me souviens bien, c'est que c'est quand même un foot de quartier. Donc chaque quartier a son équipe, bon, de jeunes et compagnie. Et ce que donc disait Arash, c'est qu'il y a, ça donne lieu à beaucoup de paris sur ces matchs. Et parce que c'est pas pratiqué que par les enfants. C'est pas pratiqué que par les enfants, mais comme essentiellement par les enfants de quartier. Donc les adultes parient autour. Et il y a une expression dont j'ai totalement oublié le nom, qui en gros explique que parier sur une équipe pendant un match de golkouchik, c'est parier la totalité de ce qu'on a dans sa poche. Et le terme du pari signifie en gros couper la poche et faire tomber tout ce qu'on a dans sa poche. Dans sa poche, voilà. Bref, le golkouchik. Du coup, ce soir, on a évoqué deux grands cinéastes iraniens, et je crois, avec Laurent, avec vous, Brett, avec le shérif, avec tout le monde, qu'on peut aussi un peu parler de cette grande tradition du cinéma en Iran un peu plus largement. Bah, tout à fait. Donc, on a parlé forcément de Panahi et de Kiarostami. Il y aurait quand même beaucoup de choses à dire aussi. Mais il y avait un cinéaste, je crois, Laurent, on est plutôt d'accord, qu'on aime bien, qui s'appelle Asghar Farhadi. Et tout à fait. Du coup, fait quand même plus l'actualité que les deux autres, enfin, même si ce n'est pas le sujet, ben, mais oui. Notamment avec le film Une séparation, donc, qui a eu un Oscar. Oui. Tout à fait. Qui a gagné l'Oscar l'année dernière donc aux États-Unis et qui a fait la fierté du peuple iranien, quoi. Vraiment, ça a été. Une joie immense pour tout le peuple iranien, pour qu'enfin on parle d'eux positivement, enfin, on arrête de parler toujours des mêmes problèmes. Et vraiment, et je tiens juste à dire, enfin, j'étais très ému du discours de Farhadi pour la cérémonie des Oscars. Donc, en quelques mots, il a très très bien résumé la situation et il a rendu fier l'ensemble du peuple iranien, quoi. Et tous les Iraniens dans le monde étaient très contents, ils attendaient cette cérémonie et la victoire a été pour eux une victoire personnelle, quoi, sur la réputation dont ils sont victimes, quoi. Vraiment. Et Asghar Farhadi est personnellement un cinéaste que j'affectionne beaucoup, quoi. Voilà, qui fait un cinéma humain et entier, quoi. Et c'est loin de Kiarostami et de Panahi, mais c'est autre chose. Et voilà, quoi. Et ces films sont diffusés à lui en Iran ? Ils sont diffusés en Iran, ouais. Oui, dans un tout petit circuit. C'est pas... mmh. En Iran, le cinéma, c'est des grosses productions, pas très intéressantes. Ils passent, mais dans des tout petits circuits, quoi. Oui, oui. Et surtout, est-ce que c'est des films diffusés en salle ou c'est des films diffusés en DVD, en fait ? Diffusés en salle, mais très très peu. Et après, en DVD... Tout existe en DVD en Iran, y a pas de souci, quoi. Panahi, enfin tout existe, quoi. Voilà. Mais Farhadi passe en salle, bon, dans un petit circuit, bien sûr. Hein. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça intéresse l'ensemble des Iraniens, quoi. Mmh. Mais bon, ça intéresse peut-être les gens un peu plus cultivés, enfin qui s'intéressent à autre chose que ce qu'on leur propose, quoi. Voilà. Mais Farhadi a fait vraiment, je tiens à le redire, la fierté du peuple iranien, quoi, parce que. Voilà, c'est bien. On va profiter, Brett, d'un retour au stade pour voir ce qui se passe. Peut-être pour interroger le shérif sur tout ce qu'il vient d'être dit, éventuellement sur le cinéma iranien. On connaît les aptitudes du shérif à converser à propos de cinéma, notamment. Oui, bon, rebonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. Effectivement, je parlais avec Patrick Timsit de cinéma, justement, à Londres, là où nous sommes, parce que moi, le match, je ne le vois pas, je ne vois toujours pas de match, je ne sais pas ce qui se passe. Et effectivement, j'avais l'oreillette et je vous écoutais avec une grande attention. C'est vrai que moi, je suis un grand, énorme fan de Kiarostami et il me semble que... Comme disait Laurent, une des choses dont traite le cinéma de Kiarostami, c'est effectivement l'impossibilité et donc les possibilités. Je pense notamment à ces différentes scènes de le vent nous emportera, où l'ingénieur essaye de communiquer vaille que vaille avec on ne sait trop qui, avec son téléphone portable, et qui se retrouve dans l'impossibilité juste matérielle de recevoir ce téléphone, et donc il prend sa voiture et il va monter dans la colline pour capter ce qu'il doit capter, quoi. Et à travers ça, cette image très très forte, on est sur une métaphore énorme de l'incommunicabilité qui est au cœur du cinéma de Kiarostami depuis le début. Et en vous écoutant aussi, j'ai pensé à ce court-métrage fabuleux de 71, je crois, qui s'appelle La Récréation, pour aller vite, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui évoque le fait qu'un petit garçon se fait corriger et punir parce qu'il a joué au foot, au golkouchik en l'occurrence, mais dans la cour de sa récréation, et il a cassé une vitre. Et donc il va se faire punir, réprimander de façon très très violente. C'est filmé avec une vraie finesse, une vraie poésie de la part de Kiarostami. Et voilà, on va suivre après les pérégrinations de ce petit garçon dans les rues d'une ville, d'un village, on ne sait pas trop. Et lui-même va se retrouver au cœur d'une partie de Golkouchik, en l'occurrence. Mais extérieur, il va y participer un petit peu comme un géant suédois pourrait marquer un but du genou dans une partie de football quelconque. Et la balle va lui tomber sur la tête et on va lui courir après, lui jeter des cailloux, etc. Enfin bref, on est vraiment sur l'incommunicabilité générale et généralisée de cette société iranienne, et je crois que c'est vraiment au cœur du cinéma de Kiarostami. Mais c'est pas du tout là-dessus que je voulais venir. Je sais plus du tout ce que je voulais dire en dehors de ça, si ce n'est mon amour de l'incommunicabilité. Il y a ce film que vous avez tant aimé, Chérif, qui s'appelle Bachou. Et oui, Bachou, alors dont je ne me souviens absolument, Laurent, vous allez peut-être pouvoir m'aider, je me souviens absolument pas du réalisateur. Mais pas du tout. Mon grand regret, je ne l'ai pas vu et je sais que c'est un très grand film du cinéma iranien. C'est un film très très intéressant, très très sec. Tout à fait. On a vraiment la sécheresse de Kiarostami aussi. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom du réalisateur. L'histoire aussi de cette. Mais but égalisation de Tottenham ici à la 75e minute. But, enfin, excusez-moi. Allez-y, Magic, allez-y. Vous savez, le direct avant tout, hein, vous le savez. Je trouve formidable l'émission et tout ce qui se raconte ce soir. Donc, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Lorsque West Ham a pris l'avantage dans ce match avec un magnifique but de Joe Cole, et depuis dans le match, les joueurs de Tottenham font absolument tout ce qu'ils peuvent pour revenir au score, quitte à se faire contrer par moment. Et puis là, sur un coup franc venu de la droite, toujours tiré par l'inévitable Gareth Bale, un petit cafouillage lorsque le ballon retombe, et finalement, je ne reconnais pas qui a marqué, mais voilà, Tottenham qui égalise 2-2. Le match est absolument extraordinaire. J'ai prêté qu'une oreille très légère à ce que vous disiez, parce que le match ici est génial, et on voit Andrés Villa l'instant sur le terrain, et voilà, 76e minute de jeu, 2-2 pour l'instant, et je suis sûr que ça va pas s'arrêter ici. Alors on demandera à les régies d'éventuellement surveiller votre micro, Magic, parce que nous le retour qu'on a de votre voix, malheureusement, est parfois un petit peu coupé. Ça aussi, oui. Donc on verra avec Pat Le Guen et Gérard Van Der Gut si c'est possible de régler tout ça. C'est parfait, on a un beau match, on parle de cinéma, on parle de l'Iran, on peut parler un petit peu de musique du coup, Brett. On va faire une brève pause musicale. Chérif, à nouveau, c'est votre tour. Je crois que vous aviez envie de nous proposer, vous allez nous proposer quelque chose. Vous êtes venu avec une cassette. Voilà, une cassette du fin fond de votre tiroir. Et je crois que même sur cette cassette, Laurent, notre invité, aura peut-être quelque chose à dire aussi. On vous écoute. Oui, nous avons correspondu par pigeon voyageur avec Laurent un petit peu durant ces dernières semaines pour travailler comme nous tous, comme vous tous, sur l'émission. Et effectivement, nous sommes tombés d'accord sur... Alors, on parlait de Kiarostami, vous parliez, Laurent, de Kiarostami comme une sorte de divinité cinématographique tout à l'heure, me semble-t-il. Référence. Et effectivement, alors là, nous avons affaire à un drôle de personnage, monsieur Ostad Elahi, je ne sais pas comment ça se prononce. Ostad Elahi. Oui. Qui est un musicien hors pair, qui a été considéré maître de musique dès ses 9 ans au tambour. Qui est surtout, avant tout, un homme de religion. Quoi. Son père était un homme de religion, lui aussi, et qui a appris à dévier sur tous les arts et les multitudes, musique. Qui a placé son fils, justement, très très tôt, qui l'a sorti de la société, etc., pour qu'il soit en position d'assaise, et notamment pour apprendre la musique, mais pas seulement, quoi, et vraiment, comme vous le disiez, en lien avec cet esprit, en rapport avec la religion, le côté mystique. Ostad Elahi devient un maître de musique dès 9 ans, reconnu en tant que tel alors qu'il a seulement 9 ans. Plus tard, quand il deviendra adulte, il s'engagera dans des études de juriste, il deviendra un juriste reconnu, et puis ce sera aussi un philosophe, un théologien énorme, et pareil, hein, très très très très reconnu. Il est l'une des sommités de la culture iranienne, et je ne me souviens plus du nom du personnage qui à la découverte de la musique de Ostad Elahi s'est dit mais non, d'un petit bonhomme, il faut absolument enregistrer les traces musicales de ce monsieur. Et juste une anecdote, il existe très peu d'enregistrements d'Ostad Elahi, très très peu, et exactement, souvent de mauvaise qualité, puisque il n'y a pas de disque officiel. Exactement. Voilà. Et alors il y a ce merveilleux label Les Chants du Monde qui a réussi à à trouver et puis à conserver et puis à remettre en bon état un certain nombre de ces bandes que l'on peut retrouver sous le titre de la musique céleste d'Osta Delei. Il me semble qu'il doit y avoir 6 ou 7 CD. Bon, c'est pas énorme par rapport à... Et il existe des CD qui ont été enregistrés, je crois, à Paris, à Radio France. Bon, je pourrais pas en dire plus, mais... Collègues, quoi. Oui, vraiment... Voilà, on va écouter une pièce assez courte, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc on est sur le... si on allait écouter quelque chose finalement. Donc, en plus le son va être de sale qualité, c'est ça. si on a bien suivi quoi. Vous allez voir le donc le peut-être qu'il vaut mieux pas l'écouter. Le tambour, l'imaginer alors. On peut le mimer si vous voulez. Le tambour donc c'est une sorte de lutte hein, iranien. Et oui, parce que la lutte iranienne justement. Et on pourrait en parler aussi. Bon allez c'est parti. Allez. Thank you. Magnifique, figurez-vous, cher shérif, que je me suis imaginé l'espace d'un tout petit instant dans ce bon lieu de data en train d'écouter ce musicien iranien dans un de ses beaux fauteuils bien chauffés un dimanche soir après une semaine bien chargée. Enfin voilà, c'était tout ça pour vous dire que nous allons passer à la troisième partie de cette émission. Nous avons souhaité ce soir parler du foot et de l'Iran un peu sous deux premiers angles, c'était d'abord la condition féminine, puis le cinéma. Et la troisième partie, mon cher Brett, sera plutôt consacrée à des aspects de politique, de nationalisme, etc. Enfin, voilà, on a... Bah, c'est des sujets qui vont être évoqués un petit peu en vrac dans le prochain extrait de ce fameux entretien, voilà. Fameuse interview. Laurent parlait il y a quelques secondes de la fierté nationale de l'Oscar de Asghar Farhadi. On peut dire la même chose en rappelant rapidement que l'Iran a battu les États-Unis lors de la Coupe du Monde 98 et que voilà, c'était une fierté aussi. Tout ça va apparaître dans le prochain extrait qu'on va écouter, je pense, tout de suite. Allez, on y va, on le lance. Hein. Pareil, Christian Bonberger, Azita et Arash, on écoute. L'Iran a participé trois fois à la Coupe du Monde. En 78, où il y avait un ailier gauche, Roshan, si je me rappelle bien. Hassan Roshan. Oui, qui était très bon. Oui. Bon, c'était la première fois que l'Iran participait à la Coupe du Monde. Après, ça a été sous Ratami, parce que pendant 20 ans, après, ça a été complètement étouffé. 98, en France, où l'Iran bat les États-Unis à Lyon 2-1, c'était pas mal. Bon, donc ça marquait aussi un peu ce rapprochement de la communauté internationale. Après, il y a eu 2006 où ça a été une catastrophe. Donc, on sent un peu aussi comment ça a rythmé. Et puis, alors après, bon, bah, il y a eu quand même ces manifestations très courageuses des footballeurs qui ont porté le bracelet vert. Oui, oui. C'était en Corée, non ? Oui, deux petites choses. فقط راجع به همین آخرین دفعه که رفتن جام جهانی، آخرین مدیری که عوض شد تو زمانی از زمان خاتمیمون، مدیر Mais oui, alors donc d'ailleurs, en effet, il y a eu un épisode tout à fait intéressant, c'est que la fédération iranienne a été virée de la FIFA pendant deux mois. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ? Parce que comme il y avait eu de mauvaises performances lors de la Coupe du Monde en Allemagne, Ahmadinejad a viré le président de la fédération. Et puis justement, lui, il était proche de Khatami. C'était proche une position politique aussi. Oui, donc, c'est ce qu'il et alors à ce moment-là, Blatter ou la FIFA, enfin, qui avait encore des scrupules moraux, ont dit, ben non, c'est l'Assemblée de la Fédération qui doit virer un président de fédération, c'est pas le pouvoir politique qui dicte sa loi à la fédération. Donc, ils ont été exclus comme ça pendant deux mois de la Fédération internationale de football pour ne pas avoir respecté les statuts qui sont en vigueur. Donc, c'est vrai qu'Ahmadinejad, tout ça, ça s'est ressenti. Et puis, après, juste après les élections, parce que c'était Mousavi et son clan, c'était les verts, leur couleur, comme il est descendant de la lignée du prophète, ils ont pris la couleur verte comme symbole. Donc c'était tout le mouvement vert. Et pendant, sur le terrain de foot, les joueurs de l'équipe nationale ont porté tous un bracelet vert, en signe de, après on les a engueulés bien sûr, on les a sanctionnés, mais quand même, c'est-à-dire toujours il y a des prises de position politiques comme tout le monde sur le terrain, non ? Justement, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que les autorités ont peur des stades, parce que les foules, tout ça, la protestation, et donc ça, ils ont une prévention vis-à-vis de ça. D'ailleurs, quand vous allez au stade Azadi, c'est amusant parce qu'il y a des banderoles tout autour plaquées sur les murets des gradins avec des slogans religieux, avec des versets du Coran, etc. Il fut un temps, on n'a plus ça, hein, où il y avait « Mard bar America », bon, mort à l'Amérique, sur les bordures du salon. Mais ça, non. Maintenant, il n'y a plus, c'est plus de recommander des comportements dignes, islamiques, etc. Alors, la victoire contre les États-Unis, ça a été extrêmement intéressant. Moi, je suis allé à Lyon voir ce match. Et alors, le match... Tu as eu de la chance. Oui. À part ça, je ne pouvais pas rater ça. C'était en 98 en France. Et le match, d'abord, a commencé par... un peu plus tard que prévu. En fait, il y avait donc des officiels iraniens, et en même temps, vous savez, il y a un mouvement de contestation qui se dit islamo, qu'on a qualifié d'islamo-marxiste, mais en fait, je pense qu'il est plus islamique que marxiste, qui sont les Mojahedin du peuple. Et alors, ils avaient tous des maillots avec la représentation de leur chef, qui était donc de Rajani. Et évidemment, bon, les bons flics français croyaient que c'était un joueur. Donc ils ont laissé rentrer tous ces gens qui, au moment du coup d'envoi, se sont mis à exhiber la figure de leur chef. Les représentants officiels de la Fédération de foot iranienne et de l'ambassade ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est scandaleux !» Donc on a senti qu'il y avait une tension pendant 5 minutes. Après, je crois quand même le coup d'envoi a été donné. Alors c'était assez intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait d'une part ces Mojahedin qui étaient là avec leur maillot très particulier. Il y avait des défenseurs du Shah, du régime Pahlavi qui étaient là avec le drapeau, avec Shire Rothschild, avec le lion et le soleil. Donc, et puis il y avait aussi quelques envoyés de Téhéran avec le drapeau de la République islamique. Donc, puis il y avait des Américains. Et puis il y avait des Iraniens normaux aussi qui étaient là, enfin, j'espère. Je ne sais pas si ça existe. Enfin, ah ben non, merci. Mais il y a quand même quelque chose qui réunit tous ces gens, c'est un nationalisme exacerbé. Il n'y a pas de population au monde, peut-être les Chinois et les Grecs, qui aient un sens de leur appartenance nationale aussi fort que les Iraniens. Ce qui fait d'ailleurs que à Téhéran, il y a deux équipes. Azita en parlait, il y a Esterlal, qui est l'équipe, ça veut dire l'indépendance Esterlal. Avant, c'était l'équipe Taj, la couronne. Donc c'est une équipe plutôt soutenue, ne généralisons pas, mais enfin plutôt soutenue par les couches moyennes ou supérieures, intellectuelles, etc. Et puis, il y a le club de Persepolis. Autrefois Persepolis, mais après... Pirouzi. La victoire. Mais de nouveau, c'est Persepolis. Mais les gens ont gardé quand même... Non, mais il a repris Persepolis. Persepolis, oui. Et donc, ces deux clubs... Alors, Persepolis, c'est plutôt le club populaire, dont on apprécie, en effet, un peu tout le... qu'on apprécie dans les maisons de thé, les quartiers populaires de Téhéran, etc. Donc, il y a une opposition. Mais, quand il y a un match d'une équipe pour une Coupe d'Asie avec une équipe étrangère, tout le monde sera derrière l'équipe iranienne. Là, l'honneur national, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Il y a passion pour son pays qui est forte, et donc ce nationalisme est quelque chose de très frappant. Quel but ici à West Ham dans ce stade magnifique à la dernière minute du temps de jeu réglementaire à la 89e minute. Excusez-moi, j'ai pris la parole juste à la fin du reportage. Un but de 35 mètres, Gareth Bale qui tire de son fameux pied gauche et qui trouve quasiment la lucarne du gardien de West Ham. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, ça ne resterait pas à 2-2. Et c'est donc Tottenham qui prend l'avantage dans ce match, qui mène 3-2. Il reste quelques minutes de jeu. On est à la 93e minute de jeu. On vous propose, Magic, de garder l'antenne jusqu'à la fin du match. Hein. Allez-y. Oui, d'accord. Eh ben, nous voici donc toujours Gareth Bale à côté du point de corner, mais qui se fait reprendre. Et voilà, une touche pour West Ham. Mais ce but, je n'en reviens toujours pas. Vous savez qu'au milieu du terrain, il avait la balle. Et il s'est fait tacler, l'arbitre n'a rien dit, et il a eu du mal à se relever. Puis le ballon lui est finalement revenu au moment où il se relevait. Et là, il n'a pas cherché à comprendre. Il n'avait pas de joueur devant lui. Il s'est dit, je vais tenter ma chance. Il a tiré, mais quelle frappe. Mais une vitesse incroyable. Et le gardien n'a à peine eu le temps de voir le ballon qu'il était déjà dans la lucarne. Voilà, et ben voilà, les joueurs de Tottenham reprennent le ballon et pour l'instant ils font tourner parce qu'ils savent bien que là ils sont 3e du championnat d'Angleterre et donc ils ne prennent plus de risques. Il reste 10 secondes à jouer dans le temps additionnel. Voilà, Loris qui récupère le ballon dans ses cages et qui tranquillement va jouer au pied pour attendre un maximum de temps. voilà, il va bientôt dégager et je pense que l'arbitre va siffler sur le dégagement de Loris et sur cette victoire de Tottenham. Non, l'arbitre a laissé jouer, il doit rester encore une petite vingtaine de secondes parce qu'il y a eu un changement tout à l'heure. Mais voilà, le ballon, on sent que les joueurs de West Ham n'y croient plus. Les joueurs, ils ont abandonné. Ils laissent les joueurs de Tottenham ici à Adebayor qui remet derrière lui. Voilà, les joueurs de Tottenham se font circuler la balle très tranquillement et le match est quasiment terminé. Et voilà, l'arbitre qui siffle enfin la fin de cette rencontre. Et voilà, sur un superbe doublé de Gareth Bale, Tottenham prend la troisième place du championnat d'Angleterre, juste derrière les deux Manchester. Voilà, superbe match, extraordinaire. Voilà, je vous repasse la parole, excusez-moi de l'avoir juste après votre petit reportage. Merci Magic de nous avoir fait vibrer sur cette fin de match. Gareth Bale au Real Madrid l'année prochaine, Magic. Ah, c'est ce qui se trame ici, fait. Mais je crois qu'il copie un peu trop son corréligionnaire attaquant, tireur de coups francs du côté du Real. Je sais pas si Ronaldo s'en va, peut-être que Gareth Bale. Il pourrait partir où, Ronaldo? Il pourrait partir dans un des deux clubs du match qu'il y avait hier soir. Non, alors, on a toujours pas résolu le problème. Quel était le match d'hier soir? Vous répondre. Quel était le match d'hier soir? Le match d'hier soir, c'était un match qui voyait s'opposer deux grands clubs de championnat de France. Deux grands clubs ? Deux grands clubs, oui, tout à fait. Mais il me semblait qu'il n'y en avait qu'un. Mais... Pardon ? Il me semblait qu'il n'y en avait qu'un de grands clubs. Vous me cherchez. Je vais vous dire. Vous avez absolument envie que je prononce ce fameux mot interdit ici à des bâtons d'Anguirou. Eh bien, je vais vous dire. Donc, c'était l'Olympique de Marseille contre son pire ennemi. Et voilà, je vais en rester là. Je vous remercie. Bravo. Laurent, vous qui fûtes un ailier redoutable dans vos années de football, en même temps qu'un milieu défensif aussi impitoyable. Redoutable, oui, aussi. Agressif. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de ce soir qu'on a pu regarder un petit peu d'un œil? J'ai regardé ça d'un œil. Bon, je dois bien avouer, j'étais assez concentré sur l'émission et le football iranien, mais j'ai trouvé les commentaires de Magic très très bons et son acolyte également assez doué, il faut le dire. Et voilà, non, j'ai passé une très bonne soirée avec ce match, et match de regarder d'un œil, donc pas, mon avis n'est pas... Mais la soirée n'est pas terminée, cher Laurent Vincenti, puisque nous voulions un petit peu reparler de ce qu'on avait entendu juste avant le troisième but de Tottenham, c'est-à-dire la dernière partie de l'interview avec Christian Bomberger, Brett. Tout à fait. Donc il y avait quand même deux, trois choses qui, à mon avis, vous intéressent, et je sens qu'à l'écoute de ce documentaire, vous étiez intéressé. Mais... Et le docteur Frémy, également. Le docteur Frémy, donc il y avait cette question du match, du fameux match Iran-États-Unis, avec tout ce que ça pose comme question. Il y avait la question du nationalisme aussi iranien, enfin en tout cas de la ferveur nationale. Et voilà, vous avez peut-être envie de rebondir là-dessus. Docteur, ça vous concerne aussi. Hein. Oui, non, j'aurais bien aimé que Laurent nous parle un peu plus de ce derby, en fait, qui a quand même une spécificité, me semble-t-il. Donc, le triste derby auquel on a assisté. Dont on parle un petit peu dans les circonstances. Tout à fait, on parle du derby rapidement. Ouais. Donc le derby de Téhéran, donc, qui oppose Esterlal Téhéran à... Persepolis Football Club, donc il se déroule, je pense, au stade Azadi devant 120 000 personnes. Donc le derby d'hier soir en France, c'était vraiment rigolo, quoi, quand même. À peine 40 000, je crois, donc vraiment, il ne tient pas la comparaison. Et donc c'est le seul match du championnat de première division iranien qui est arbitré par un arbitre non iranien pour éviter les histoires de corruption, de régionalisme, enfin, il y a eu des incidents il y a quelques années. Ce sont deux clubs de Téhéran ? Deux clubs de Téhéran, tout à fait. Et qui sont différents par quoi ? Par les quartiers ? Je dois bien avouer ne pas connaître leurs différences, mais je pense socialement. C'est souvent ça. Hein, socialement, ouais. Le nord de Téhéran, c'est les quartiers riches, le sud, c'est les quartiers pauvres. Mm-hmm. Bon, je parierais quelques copecs sur cette différence-là. Oui, mais je crois que c'est ce que expliquait Bomberger, qu'en gros, il y a le club de Esterlal, qui est plutôt le club... aisé, intellectuel, donc du nord de Téhéran, plutôt populaire, et du sud de Téhéran, donc Persepolis, voilà. Tout à fait. Je pense, voilà. Donc c'est juste, je termine, ça va être un des plus gros derbies au monde au niveau du nombre de spectateurs. 120 000. Si un auditeur peut nous appeler pour nous proposer mieux. Bah, peut-être comparable avec ce qui peut se passer en Argentine, éventuellement, Buenos Aires, que vous connaissez bien, docteur. Oui, ça me fait penser à l'Aztecalde de Mexico. Si. Ou si. Ou Maracaña, el río. Si, también. Docteur, il est fait allusion donc dans cet extrait de l'interview de Christian Bomberger et de ses deux amis à un match très particulier de l'histoire du football iranien. C'est ce match entre l'Iran et les États-Unis. Vous nous en rappelez un petit peu le contexte ? Oui, c'est un match qui se déroule à Lyon en 1998 et qui oppose donc l'Iran aux États-Unis. Lors de ce match, finalement, les États-Unis ont beaucoup dominé et l'Iran finit chanceusement par l'emporter 2-1. Finalement, tout le monde était très content. Il y a notamment cette photo qui illustre cette tentative légère de rapprochement où les deux équipes posent en fait avec des joueurs intercalés de chacune des équipes. Mmh. Avant le match. Match, oui. Donc il y a cette image qui est quand même assez savoureuse. Et on a eu ensuite, par contre, en Iran, les mots terribles de Khatami. De Khamenei, pardon. Du guide suprême. Qui a été le seul vraiment à faire fausse note dans cette rencontre, belle rencontre sportive. Qui a déclaré donc que les États-Unis d'Amérique avaient goûté le goût amer de la défaite. Bon, c'est bien, on reconnaît là l'humour d'un mot là. Moi aussi, j'aurais voulu revenir sur ce qui a été dit dans notre discussion avec Christian. Azita Arash la dernière fois, où on évoquait finalement le côté confidentiel du foot iranien. Et il a été évoqué aussi, en parallèle finalement, le côté extrêmement confidentiel du foot français. Et là-dessus, on ne peut pas se targuer d'avoir finalement une porte, une fenêtre beaucoup, beaucoup plus ouverte sur le foot féminin en France, même s'il est pratiqué. Lors des reportages qu'on avait fait lors des différents... de l'émission Foot au féminin, on avait vu... et en tout cas entendu les pires difficultés qu'avaient les filles finalement à jouer au football, même dans notre pays. Donc c'était un petit bémol. Oui, elles faisaient face au même colibé finalement. Même type de colibé, même difficulté à s'entraîner. Ensuite, forcément, elles n'avaient pas le hijab. Mais... Ouais, même difficulté à trouver une fédération aussi. Il y avait peut-être un hijab médiatique. C'est une belle métaphore. Mais en tout cas, pour continuer sur ce sujet, on a fait la commande, je fais la transition tout de suite, mon cher Brett, la commande à nos envoyés spéciaux qui sont actuellement au milieu de l'Asie, on peut le dire un peu comme ça. On peut le dire comme ça. Au Tadjikistan, puisque... Pour être plus précis, puisque le Tadjikistan, vous n'êtes pas sans le savoir et le docteur va nous le confirmer, est un des rares pays en dehors de l'Iran à être persophone. Ou persanophone, pardon. Plutôt, bon, excusez-moi. On peut dire les deux. Voire même perséphone. Perséphone, oui. Non, avec effectivement, je crois, l'Azerbaïdjan, il me semble. Okay. Turkménistan, je ne serais plus... Sur l'atlas qu'on a regardé avant de venir, il n'y avait pas. Mais... Un atlas, j'aurais consulté un atlas. en Ouzbékistan aussi, un petit peu. Oui, mais c'est vrai que dans les pays à majorité persanophone, c'est tout de même le Tadjikistan, finalement, l'Iran, évidemment, et l'Azerbaïdjan, et l'Afghanistan. Mais il n'y a pas aussi une majorité de persanophones, étant donné que ce sont souvent les Pashtuns qui parlent ourdou, qui sont une majorité de la population. Vous avez perdu tout le monde, docteur. En tout cas, grâce aux moyens illimités que nous donne Radio Galère, nous avons des envoyés spéciaux à peu près partout dans le monde, et notamment Timothée et Nelly au Tadjikistan. Et on leur a commandé un reportage sur le foot tadjik qui nous intéresse très précisément par rapport à tout ce qu'on vient de dire, puisqu'il... démontre les immenses implications du foot tadjik et de la politique et des montées nationalistes possibles au travers du football. Comme quoi le Tadjikistan peut aussi se défendre en termes de nationalisme. Pour pas contredire Bomberger. Non, bien sûr, c'est pas là. Tout à fait. Ouvrir le champ. Mais je pense que c'est une région qui aime le nationalisme. Vous nous dites deux mots, mon cher Brett, de nos envoyés spéciaux au Tadjikistan. Ça va être deux brefs mots. Donc nos envoyés spéciaux expatriés au Tadjikistan, donc qui sont Timote, qui est directeur de l'Institut culturel français de Douchanbé, donc au Tadjikistan, et Nelly, russe de naissance, et qui est orfèvre au Tadjikistan aussi. Orfèvre économiste par ailleurs aussi. Voilà. Plusieurs cordes à son arc, Nelly. Bien sûr. Allez, on écoute. Safina, la chaîne nationale tadjik, annonce une fois de plus la victoire du Istiqbal Douchanbé, qui, pour la petite histoire, détenait il y a quelques années, et peut-être est-ce encore d'actualité, le record d'invincibilité dans un championnat de première ligue. 26 victoires d'affilée et 6 matchs nuls. 32 matchs sans défaite. Un record obtenu en 2010, tout juste 3 ans après la création du club. Istiqbal, c'est le temple du football tadjik. À lui seul, il fournit 50% des joueurs de l'équipe nationale, surnommés Touch, la couronne, en référence à la couronne du roi Somoni, symbole du Tadjikistan, ou surnommé Cheri Porsi, les lions perses. Pourtant, malgré ce record, les Tadjiks semblent plus accros à la Première Ligue ou à la Liga. Alors j'ai demandé à quelques collègues de Bactrien ce qu'ils pensaient du foot tadjik. En général, tu regardes le foot? Parfois, je regarde, oui. Je connais les équipes importantes qui jouent au niveau national, les équipes célèbres. Je sais qu'il y a aussi des compétitions à l'intérieur des villes et du foot de rue, des compétitions dans les quartiers. Il y a aussi des légionnaires de Khabarovsk qui aujourd'hui jouent dans les clubs tadjiks. Ils jouent dans différents clubs. Oui, ils jouent dans l'équipe nationale et Istiqbal. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Et l'entraîneur de Istiqbal, il est étranger. C'est un Serbe. Au Tadjikistan, les footballeurs gagnent bien leur vie. Je pense que ça commence tout juste au Tadjikistan. Et il n'y a pas longtemps, on a ouvert une académie de football pour former les gens sur place. J'ai entendu dire que le fils du président était fan de football, ça devrait aider. C'est sûr, ça aide pour développer le football. Ok. André. Vous regardez le foot tadjik? Moi, je regarde que le foot anglais, espagnol et italien. Et pourquoi pas tadjik? C'est pas intéressant. Et beaucoup de gens regardent le foot tadjik ici? Certains vont voir les matchs, mais pas beaucoup. Et on montre les matchs à la télé? Ils montrent, mais rarement. Peut-être pour Istiqbal, Astravshan et Kulab. Je ne connais même pas le nom des autres équipes. Я даже полностью не знаю эти. Это надо дать. Ну, при Союзе был Памир Душанбе команда. Quand c'était le RSS, il avait l'équipe du Памир qui jouait en première division d'Union Soviétique. Ходили полный стадион постоянно. Ну, сейчас даже в Памир. Et à cette époque, les stades étaient pleins. Памир был вот хорошие футболисты были. У Памира il avait des bons joueurs. Мухамади, Манасян. Et à cet intérieur, Rachid Rahimov. Rachid Halimov. Elle a même été intérieure en Russie. Et maintenant au Pamir. Aujourd'hui, il n'a plus d'équipe au Pamir. Et quelle est votre équipe favorite? Aucune. Mais en général, pas seulement Tadjik. Je suis pour Manchester United, Barcelone, le Real. Et une équipe française, Marseille? Non, non, pas Marseille. Alors, on remercie Timothée et Nelly de ce superbe reportage qui nous donne un nouvel aspect du foot dans le monde perso-fophone. Persanophone. Persanophile. Fan. Persanophone. Persanophone. En tout cas, voilà, on les remercie vraiment oui. Parce que ça amène un peu de... à notre moulin, ça complète tout à fait bien le propos de cette émission. Très belle ouverture. Et Nelly maîtrise très très bien finalement le tadjik ou farsi. Je suis très très content. Ça me rappelle un peu le farsi poitevin. je voulais juste évoquer cette spécialité. Mais pour mon ami Pascalou. En tout cas, il est bien, cher docteur, que vous ayez la parole maintenant, puisque... C'est votre tour. C'est l'heure de la fameuse chronique du docteur Lehmann. Ce soir, docteur, de quoi allez-vous nous parler ? Alors, ce soir, je vais faire une petite ouverture et puis un petit retour, un retour sur nous-mêmes. Tapis persan. Tapis New Year 2013. C'est ainsi qu'une délicieuse affiche subtilement apposée face à l'église des réformés résumait ce début d'année marqué dans notre radieuse contrée par l'ouverture de Marseille 2013, capitale européenne de la culture, et le retour concomitant d'un Bernard Tapie endossant le costard de ticoun de la presse provençale. Pour ne laisser personne sur le bord du chemin, évoquons seulement ce terme de ticoun, originaire d'Extrême-Orient, et qui désigne, dans son acception outre-Atlantique, un mania de la presse. Dans sa version persane, on parlerait plutôt de nabab, haut dignitaire auquel on associe généralement faste et apparat, propre aux débordements moyen-orientaux. Que vient faire l'Iran dans tout ça, me direz-vous ? Si ce n'est l'infime potentialité que Marseille 2013 ne se prenne les pieds dans le tapis, persan, il va sans dire, tant nos amis dirigeants de l'ex-Perse, chat devant, savent manier l'art de la glissade. Ici Bernard Tapie, là Mahmoud Ahmadinejad, et un peu partout l'odeur pestilentielle d'élections tronquées, culture populaire contre culture nucléaire, chauvinisme et feux d'artifice, démocratie avortée d'avorton dément, bientôt sous les feux d'une actualité postiche à la saveur pastiche. On aurait presque envie de se réfugier quelques semaines plus tôt, au fond d'un canapé, noyé dans une acrimonieuse odeur de dinde, et bercé d'éternels débats sur les mérites comparés des techniques gastronomiques des quatre coins de notre cher hexagone, à s'efforcer de tendre une oreille somnolente pour saisir, dans cette chaleur diurne, aux langueurs artificielles, quelques-unes des tirades oubliées du grand rival du Père Noël est une ordure lors de la période de Noël, j'ai nommé les mille et une nuits. Car même si, là aussi, on peine à éviter le spectre d'un démiurge, et même s'il s'agit, pour l'amateur de sosie que je suis, d'une sorte de chimère des deux tristes personnages précédemment nommés, même s'il s'agit de l'éternel lieu grand français du cinéma français, nous ne regardions, cure-dents négligemment portés en bouche, que le finalement très inoffensif et très français Thierry l'Ermite. Qui se souvient de Philippe de Broca, et qui surtout ne se souvient pas de Scheherazade, alias Catherine Zeta-Jones, tombant nue d'un avion à la faveur d'un après-midi végétatif de vacances réveillonnaires? Et que dire de Gérard Jugnot en Jimmy Cricket, éclaircissant certes l'ombre du grand Satan en latifant d'un parapluie ridicule, mais préfigurant néanmoins l'ultime rempart à l'insatiable appétit du calife, Thierry l'Ermite, qui, à réussir à prendre la place de celui déjà en place, aurait depuis longtemps mérité d'être affublé du prénom de Bernard. Bernard l'Ermite, Bernard Tapie, Bernard Madinejad, pas besoin d'évoquer l'étymologie, cette fois-ci germaine de Bernard, l'ours dur, pour crier en cœur et sans reproche nos besoins de rêve et d'évasion. Reviens chez Razad, reviens nous narrer des histoires, comptez l'entend sans compter ton temps, reviens jeter le voile sur ces pantins, psalmodiant à longueur d'écran plasma, leur trop simpliste logoré, emmène-nous sur ton tapis, volant et non-voleur, pour Renaud à l'Orient, sans port et sans marine royale. Revenez Catherinette, revenez Zeta, revenez Jones, percez muraille et nous lavez les mains de ces fous tyrans, les ficelles, tapis dans l'ombre, regards perçants et tristes destinés sous leur masque de Zorro. Merci docteur, bravo. Encore une fois, bravo, vous concluez à merveille ce 15e épisode de Des bâtons d'Anguirou sur Radio Galère. Brett, que dire pour finir ? Je ne sais pas, Manuel. On va remercier, on tout simplement. On peut remercier, bien sûr, nos invités et les personnes qui ont participé à cette émission. Je crois que, avant de lancer des remerciements et de clôturer l'émission, Laurent veut dire quelque chose. Oui, merci de m'avoir invité. Et j'ai juste un petit message personnel à envoyer en farsi. Parce qu'on a, finalement, on n'a pas trop entendu parler persan ce soir. Donc, voilà. Salam Shabanu, Omid Varam Aletrou Bache, Betofek Mikonam Reli, Mibusamet Ba Merabuni, Abrebus Mifelestamet. Voilà. Merci, Mamnoun Rodafez. Bravo. Bravo, on n'a pas tout compris. On a juste compris que vous parliez d'un abribus à un moment donné. Mais quelqu'un vous attend à l'abribus en face du studio, c'est ça. En tout cas, merci infiniment, Laurent. Ouais, merci beaucoup. Alors, juste, Brett, j'avais d'habitude, on conclut nos émissions par un petit quiz. Là, ce soir, on n'en a pas, mais j'avais quand même une petite question qui pourrait faire l'objet d'un quiz en une seule question. Dans le reportage de Timothée et Nelly, il est fait allusion à l'équipe du président qui est invaincu pendant 32 matchs toute une saison. Il y a, figurez-vous, en France, un club qui a réussi cet exploit. Quel est-il ? Le FC Nantes. Eh, bravo. Eh, voilà. Bravo, mon cher Brett. Vous êtes donc le grand vainqueur du quiz de ce soir, spécial foot. Et c'est marrant, je vais y arriver gros comme un camion, cette histoire du FC Nantes. Mais je suis content d'avoir gagné. Je voulais remercier ma famille. Mais... Il me semble que la question s'adresse uniquement à Brett. Peut-être. Non, pas du tout, docteur. C'est juste que vous avez été moins vif, je crois, cette fois-ci. Eh bien, j'espère que les bandes nous seront procurées assez rapidement, mon cher Manuel, pour pouvoir faire une exégèse. On verra ça, si c'est possible. En tout cas, merci à tous, chers auditeurs. Oui. Merci, docteur, pour cette formidable émission. Merci à Aline et à Pascalou. Bien sûr, merci à tous les deux pour le travail effectué. Merci, bien sûr, à Laurent. Je sais que vous avez dû vaincre quelques terribles démons pour venir, mais vous êtes venus. Ça va, non, je reviendrai. Un grand merci. On remercie Arash, Azita et Christian Bomberger, c'est ça que vous voulez faire, docteur ? Tout à fait, bien sûr. Un message personnel ? Non, merci. Bon. Et on les salue bien. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci à notre équipe de commentateurs terribles, Magic et Sheriff. Merci, Manuel. Vous avez eu une interview en fin de match, Magic, ou... Pardon. Est-ce que vous avez réussi, parce que c'est votre fort d'habitude, mais avoir un joueur, un entraîneur, une personnalité à interviewer après ce match ? Écoutez, pour vous dire toute la vérité, j'ai essayé d'interviewer la star du soir, Gareth Bale. J'ai eu beaucoup de mal à l'approcher. Et finalement, c'est Loris qui est venu me voir et qui voulait que je lui dise deux mots. Et moi, ayant les yeux rivés que sur Gareth Bale, je l'ai un peu négligé. Et puis finalement, il est parti. Donc voilà, je n'ai eu personne. Et voilà, c'est tout le temps un peu comme ça pour les sportifs non accrédités. Bon, ben merci, Brett. Dans 15 jours, Brett, le thème de l'émission, ce sera... Ça va être une grande émission. Ce sera Foot Chine. Il me semble, je me trompe ou... Non, c'est tout à fait ça. Voilà, donc, eh bien, donc, avant de donner la parole au shérif pour introduire le dernier morceau de l'émission, eh bien, bonne nuit à tous. Oui, et puis vous pourrez peut-être suivre sur notre blog. Tout à fait. tout à fait. Sur notre blog, les débats concernant l'organisation du futur Foot Chine qui vont avoir lieu pendant cette petite heure et demie qui suit. Voilà. Shérif ? Écoutez, moi, vu que vous êtes dans les remerciements, vous m'entendez ? Tout à fait, shérif, allez-y. Je voulais remercier le nougat, le fameux nougat dont nougat en repume samedi midi. Merci Azita pour ce nougat. Et oui, donc finir, on s'était posé la question comment finir effectivement, et je me suis dit qu'un bon vieux résistant, un grec pouvait, puisqu'on parlait de nationalisme tout à l'heure. Un bon vieux résistant de la cause nationaliste, contre la cause nationaliste grecque, à savoir M. Yanis Xenakis. Figurez-vous que M. Yanis Xenakis, qui a été obligé de quitter la Grèce parce que justement il était dans la résistance grecque durant la Deuxième Guerre mondiale et puis après, la Grèce qui a fait allégeance à l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis après ça a été compliqué aussi pour les Grecs. Bref, M. Xenakis, compositeur de son état, architecte Itou, donc a trouvé refuge en France. Et il se trouve qu'il a composé une pièce. Alors ça, c'est assez incroyable. Je n'ai pas réussi à comprendre comment M. Xenakis a accepté l'invitation du chat en 1971, si je ne m'abuse, pour célébrer les 2500 ans de l'anniversaire de la fondation de l'Iran par M. Cyrus. Oui, je tiens à nous excuser d'abord pour le quart d'heure de retard que nous avons. La pièce dure une heure, donc nous allons avoir une heure et quart de retard. Je tiens à vous le dire tout de suite. Non, on va juste écouter un petit morceau. Vous êtes bien, chérif, on vous sent bien. Vous n'êtes pas parti, en fait. Ouais, c'est pas Dataplex, mais on y est presque. Et on va juste écouter dans 2-3 minutes seulement de cette pièce qui s'intitule Persepolis, une pièce électroacoustique. Donc composé sur le site antique de Persepolis par M. Xenakis, une pièce pour 8 loudspeakers, c'est-à-dire 8 enceintes et de la lumière, beaucoup de lumière. Allez, ça fait du bruit comme en studio actuellement. Voilà, un peu de noise dans des bâtons d'anguirou et c'est pas mal. Bravo, merci à tous. Je vais couper vos micros hein, et puis bravo, merci. Et puis on embrasse encore une fois et on remercie vraiment pour leur hospitalité Azita, Arash et monsieur Christian Bomberger qui nous a permis de rencontrer ces deux charmantes personnes. Merci.